chanson bleue des matins sur la mer. Chanson bleue des grands feux de l'hiver. Chante-la, elle est pour toi, le bleu te va bien. De tes yeux des jours heureux, le bleu des nuits de juin, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel, quand il pleut, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Chante-la, elle est pour toi, le bleu te va bien. C'est le bleu de tes yeux des jours heureux, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel. Chanson bleue, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Chanson bleue, chanson bleu, chanson.